au consulat. Saluer et se présenter. Exercice 1. Bonjour monsieur, j'ai rendez-vous avec vous pour ma demande de visa. Je m'appelle Peter Branks, je suis australien, j'habite ici à Canberra. Je suis informaticien, j'ai 36 ans, je suis marié et j'ai deux enfants.